Marie-Lou repose sous la neige. Et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'île. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mondi. Oh, ma loue, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'incendie.